Bonjour et bienvenue sur cet épisode 3 de Comédie Musicast. Et nous sommes toujours avec Jordan Soriel et moi-même Alexandre. Salut! Salut! Bonjour! Que vous allez bien, de toute façon on ne peut pas savoir, marquez-nous dans les commentaires, on commence directement, hein, c'est parti. Marquez-nous dans les commentaires comment ouais. Vous allez, on est sûr de la bonne nouveauté, voilà, voilà. De la bonne nouvelle. Exactement. Alors, troisième épisode, donc on en avait fait un il y a 2 mois et demi, un il y a 1 mois et quelques. Il y a 6 ans, à peu près. Et donc enfin le troisième épisode pour ce début juillet, fin juin, début juillet, on verra quand est-ce que ça sortira. Je pense que ce sera début juillet. Alors. J'estime, mon cher. Oh, c'est gentil. T'as vu ça ? En fait, je vais le monter directement ce soir. Nous sommes le 27, vous verrez, ce soir, je le monte et ce sera sorti demain soir sur Comédie Musicast. Des promesses. Et si c'est pas le cas, il vous offre une détaxe pour comédien. On va avoir voilà. Des soucis, en fait. Parmi les personnes qui seront tirées au sort dans les commentaires. Alors, je tiens à annuler directement ce concours, hein, ça ne va pas faire. Bien, alors on commence directement sans préambule, qu'on a déjà fait un petit peu de 5 minutes, sans préambule par les dernières news qu'il y a dans le milieu de la comédie musicale en France et ailleurs. Alors, première news bien française, nous avons après 5 ans de travaux le théâtre Marigny qui rouvre avec comme directeur artistique Jean-Luc Choplin. Oh, voilà, tout le monde là. Merci, suivant. Non. Non, non, alors Jean-Luc Choplin, c'est anciennement le théâtre du Châtelet et la scène musicale. D'où il a démissionné en janvier 2018, voilà. La première pièce sera une version comédie musicale du film Peau d'âne de Jacques Demy et Michel Legrand. Donc ça sortira en novembre 2018 jusque février 2019 avec entre autres Marie Aubert, dans le rôle principal Marie Aubert qui avait fait La Mélodie du Bonheur, Les Parvis de Cherbourg, etc. Ah, on la connaît bien, hein, il n'y en a pas deux. Oh non, on va pas dire ça. Excuse-nous, Marie. Non, mais non. Et ensuite, donc voilà, déjà Peau d'âne, et ensuite il y aura aussi d'autres pièces musicales, comme aux habitudes de Jean-Luc Choplin, avec Guys and Dolls de mars 2019 à juillet 2019, et à côté, donc au studio Marigny, on retrouvera une comédie musicale composée des chansons supprimées des autres musicales de Stephen Sondheim, appelée Marry Me a Little, ou encore une pièce que j'adore. Affectionne tout particulièrement The Fantastics de Harvey Schmitt et Tom Jones. Voilà, super bâton, titre québécois. Oh non. Mais ah, et tu sors. Non, d'accord, j'arrête. Il y avait Marie-moi un petit peu avant. Oui. Alors, voilà. Que pensez-vous de cette dernière nouveauté? Eh bien, c'est génial, ça va faire une super réouverture pour le théâtre Marigny. Exactement. Sachant que ce sera... C'est pas tout à fait... La même capacité de salle que ce qu'il a déjà. Que le théâtre du Châtelet au Centre Musical, c'est sûr. Mais justement, ça va être super d'avoir un truc plus intimiste. Après, Choplin, il a l'habitude de faire débarquer en France comme ça des. Oui. Des grands spectacles. Des comédies musicales de Broadway, en fait. Ouais. Donc, oui. Mais amen, viens. De toute façon, ce mec a un CV en béton. Enfin, moi, quand je serai grande, je vais être comme lui. C'est, non, mais c'est pas possible. Oui, mais c'est un peu ça, franchement, non, c'est extraordinaire. Ce bâtard, ouais. allez jeter un coup d'œil à son parcours, et il est impressionnant, le mec. Il a bossé avec des pointures, et c'est lui-même une pointure. Enfin, il sait de quoi il parle, et on lui fait totalement confiance dans le choix de la programmation. Et toi, du coup? J'ai hâte de voir, quoi. Surtout d'entendre. Mais ça risque d'être beau à voir aussi. Oui. Mais je crois qu'il reste pas que sur Marigny. Il a un accord passé avec la scène musicale pour continuer à proposer des gros projets, non? Je crois, effectivement. Alors, là, notamment des comédies musicales. Il faut vérifier. Bah après, disons que le théâtre du Châtelet, qui est actuellement en travaux, directement, ce ne sera plus du tout lui, la direction du théâtre du Châtelet. Et a priori, les premiers commentaires des gens sont contents. À chaque fois, ça m'étonnera toujours de voir des gens super contents de voir partir des personnes qui proposent des comédies musicales dans des beaux théâtres. Le nombre de commentaires que j'ai pu voir avec le départ de Jean-Luc Choplin du théâtre du Châtelet négatif pour Jean-Luc Choplin, enfin, vous avez compris ce que je voulais dire. Bah, c'est dommage parce que il a quand même dépoussiéré un peu le truc et il a renouvelé le public. Donc. Mais en fait, ces gens-là sont toujours des gens qui ne vont pas voir les spectacles en question. Donc c'est, j'ai vu par exemple... La comédie musicale a encore mauvaise presse en France et on n'y peut rien. C'est ça. Et donc, alors qu'on était sur de la qualité de production assez phénoménale. Ouais. Alors moi personnellement j'ai vu tellement de... Vive l'argent public quoi. Enfin, c'est oui mais oui totalement. Ah, franchement. Hors les murs de Singing in the Rain était phénoménal. Ah oui c'est vrai. Ouais. J'avais vu quoi à peu près? On va juste faire un petit tour de table. Vous avez vu quoi? Bah toi pas vraiment beaucoup de choses à part Singing in the Rain. Oui je viens d'arriver, j'ai vu West Side Story à... Qui avait été importé aussi par Jerry Lewis. Qui a fait le déménagement chez la scène musicale. Oui, c'est voilà. Ça. Mais on a eu plus ou moins la même chose, de toute façon, parce que j'ai pas commencé. En fait, je connaissais pas du tout ce milieu-là. Jusqu'à il y a très longtemps. Donc, moi, je m'intéressais plus à ce qu'il a fait dans les années 80, Chopin, parce qu'il était plus proche. Enfin, il était directeur général du ballet de Roland Petit. Il a bossé avec Nureyev. Donc, voilà. Alors, si vous ne savez pas qui est Roland Petit Nureyev, allez jeter un coup d'œil, parce que voilà, ne serait-ce que taper ça dans Google, n'importe quoi, dans YouTube, vous allez tomber sur des vidéos de danse. Dans Google aussi. Oui, vraiment. Qui sont assez impressionnantes, c'est le genre de danseurs qui vous font regarder la vidéo et dire « Ah, bah sinon la broderie c'est bien ouais, ». Non, okay. C'est horrible, t'as tellement de talent, tellement de... Ouais, c'est impressionnant en fait, vraiment. C'est des grosses, grosses pointures au niveau danse. Donc allez-y, regardez. Et allez donc à la réouverture du Théâtre Marigny, excusez-moi, j'ai failli dire Théâtre du Châtelet du coup. Allez-y, courez-y et profitez du spectacle au maximum. On reste toujours en France avec la seconde news. Donc vu que c'est au singulier, on dit la seconde new. Et vu que c'est pas la dernière de la liste, on dit la deuxième new. Voilà. Okay. Et oui, Jean-Michel Grammer est dans la place. Hein. Quand la liste est terminée à 2, tu dis second. Et quand la liste n'est pas terminée, tu dis deuxième. Et bah vous aurez. Voilà. Je l'ignorais aussi. C'est un podcast de culture. Voilà, voilà. L'Idole des Jeunes, le spectacle musical sur la vie de Johnny Hallyday à partir du 6 décembre 2019 dans une grande salle parisienne. Mais à chaque fois que quelqu'un d'emblématique meurt, il fait une comédie musicale dessus, pourquoi pas. Bah il y avait déjà eu Thriller pour. Bah non, Thriller était encore vivant, Michael Jackson à la sortie de Thriller. C'était en quelle année? 2005 2012. Il est mort en 2009, je crois, Michael Jackson. Le 25 juin. Je sais qu'il a été importé en... Grosse fête. Oui, il est mort en 2009, oui. Ouais. Bah, donc ça, si c'est en 2012, c'est après. Voilà. Ouais. Non, enfin, a priori. J'ai peut-être pas la bonne date. Oups. Et donc, oui, effectivement, voilà. Donc, on a déjà des infos dans une grande salle parisienne, donc on ne sait pas trop quoi. On a déjà une date à partir du 6 décembre 2019. Et on a aussi les gens qui seront dedans. On sait déjà qu'il y aura 8 musiciens, 10 danseuses et 4 danseurs. C'est quelque chose sur sa vie ou c'est un jukebox musical comme ce qu'ils ont fait? Alors c'est quelque chose sur sa vie, vraiment. Et la vie privée ne sera pas abordée. Ouais. C'est peut-être pas plus mal. Et ma question, voilà, parce qu'il y a quand même un public qui est très présent et très scotché sur Johnny et que Johnny. Et est-ce que ces gens-là, résultats, vont avoir la curiosité d'aller s'ouvrir au spectacle musical sur Johnny Hallyday, même si c'est pas Johnny Hallyday. C'est quand même des gros fans et des... Enfin voilà, c'est un personnage emblématique, c'est... Alors cela sera la grande question. Honnêtement, bah voilà, moi c'est toujours... j'ai un petit peu peur de ce genre de projet. Oui. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on va avoir? Quelle est la part du commercial, la part de l'artistique? C'est ça. Oh. On va voir. On laisse la place au doute, voilà. Hein, et on regardera donc, on verra. Mais c'est comme tous les projets, on peut avoir de belles surprises et de grosses déceptions. Hein. Mm. C'est comme tout, enfin, faut se laisser embarquer, se laisser surprendre, laissons vivre un peu le spectacle musical. Parce que là, l'enjeu clairement, c'est d'avoir quelque chose qui puisse plaire à des amateurs de spectacle musical et à des bons fans de Johnny. Oui. Ouais. C'est ça qui va être. Je vois pas du tout en fait les fans de Johnny aller dans une salle pour voir une comédie musicale, une spectacle. Quand tu vas voir Johnny, tu vas voir du show à grand moyen, à grand spectacle. Oui, hein, donc, ça peut être un spectacle musical dans une grande salle. Je l'avais vu un 14 juillet quand il était passé à Paris. Là. Ouais, et franchement, il est impressionnant. Non, bien il, sûr. Il était. Ah, pardon. Moi, je l'avais vu au Stade de France à l'époque. Oh merde. Oh. Ouais. La salle était. Enfin, le stade était pas très rempli. Hein. Ouais. Ben non, et tout le monde a su, hein. De toute façon, je crois qu'ils avaient fini par avancer la scène pour bloquer moins de gradins, en fait. Mais en tout cas, voilà, c'était quand même une légende française malgré tout ce que les gens peuvent dire de temps en temps. Et puis au niveau mise en scène et scénographie, il avait, enfin, oui, c'était un précurseur aussi. Des belles choses, voilà, ouais. Sur la scène française, on a des beaux metteurs en scène, des beaux chorégraphes. Mmh. Oh, et bon, bah écoute, hein, on peut, qui font vraiment du taf assez incroyable. C'est ça. Troisième news. Bah vas-y, moi je pensais que t'allais vouloir faire le prof et parler un petit peu de Johnny, créateur de comédie musicale. Ah bah oui, bien vu. Ah oui, c'est le t'as vu, y en a qui suivent. Pour ceux qui sont encore au fond de la salle là-bas, Johnny, bah lui, il avait essayé de faire justement un spectacle musical, opéra rock, etc. Il y en a qui ont essayé. Alors il a sorti l'album. Il ne l'a jamais mis en scène, il n'a jamais fait sur scène, c'était Hamlet. Et je vous conseille vraiment d'aller écouter. Honnêtement, il y a des musiques qui sont belles dans cet album-là. C'est vraiment un album assez peu connu, assez méconnu au final de Johnny Hallyday. Et il y a un morceau que je dédicace tout de suite à une personne qui se reconnaîtra, Ophélie, oh folie, que j'aime particulièrement, qui est vraiment très beau, très sympa. Voilà, vous ayez la curiosité d'écouter ça, c'est vraiment très intéressant. Et on embrasse Ophélie. Et nous continuons avec la troisième news, du coup. La news va être encore plus longue que le sujet principal. Come From Away arrive à Londres en janvier 2019 et prend la place de Chicago au Phoenix Theatre. Alors ça, je l'ai mis parce que j'aime beaucoup Come From Away. Donc Come From Away... je déteste dire son nom. Come From Away, pour ceux qui ne connaissent pas, est une comédie musicale canadienne à la base, qui avait été faite au Canada avant d'arriver à Broadway. Au moment du 11 septembre, il y avait certains avions qui ont dû débarquer en urgence, vu que le ciel américain avait été interdit. Se sont posés donc sur une île du Canada. Et donc là, les gens, une trentaine d'avions se sont posés sur la même petite île de Gander, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Et donc la comédie musicale parle de ça, c'est inspiré de la vraie vie de véritables personnes, et c'est l'une des comédies musicales les plus belles de cette année, mais de l'année d'avant, donc 2016-2017 si je ne m'abuse. Show primé au Tony Award 2017 dans cette catégorie, dont Best Musical, il perd face à Dear Evan Hansen. Ouais. Voilà, ça pose les bases. Et si vous n'avez pas écouté, écoutez, il y a des harmonies qui sont absolument magnifiques, et il y a des chœurs incroyables. Et la musique aussi est superbe. Voilà. Je vous l'adore parce que depuis tout à l'heure, Jordan acquiesce sans rien dire. Il est content d'être avec nous. C'est pour les spectateurs. Vraiment, enfin, je sais que ce musical, il suffit juste que j'entende certaines musiques pour avoir les larmes aux yeux, pour ne plus pouvoir... c'est un show vraiment qui prend aux tripes. Bah, c'est impressionnant. C'est une belle perte de s'attaquer à un sujet aussi sensible que les attentats du 11 septembre. Et aussi bien. Et puis c'est une bonne nouvelle que ça débarque à Londres, parce qu'en Eurostar, ça coûte moins cher que l'avion c'est pour aller aux États-Unis. Exactement, c'est vrai. Voilà. Enfin, on dit ça, mais Hamilton, on n'a pas été voir. Non, ni les heures, Bah oui, mais regardez les prix des tickets, puis vous verrez qu'on... Enfin, c'est un SMIC, hein. Ouais. Donc, c'est l'Eurostar qui coûte le moins cher dans les voilà. Finalement. On va passer à quelque chose un peu moins gay. Enfin, déjà quand putain, c'est pas vrai! Oh là là là là là là là! Jean-Michel Transition est avec nous, messieurs dames! Non! J'ai même pas pensé! Mais ah bah oui, mais c'est le problème! Donc pour ceux qui se demanderaient pourquoi mes comparses ont cette réaction, en Hongrie, la comédie musicale Billy Elliot a été annulée après une campagne homophobe dans le quotidien Magyar Idok, car elle pouvait transformer les petits garçons hongrois en homosexuels. C'est bien. L'homophobie a encore de beaux jours devant elle. C'est cool. Oui. Voilà, donc ça, ces derniers jours, on en entend beaucoup parler sur les réseaux. C'est triste, c'est idiot, c'est... Voilà. Bah, quand le gouvernement commence à bloquer la culture, on est quand même pas loin de quelque chose d'assez dramatique. Mmh. Voilà. Pour parce que Billy Elliot, c'est de la culture, hein. Et c'est puis, ça. C'est un spectacle, c'est un produit culturel. Je en regardant Billy Elliot, je ne sais pas. Ah non. Et puis, être gay ne s'attrape pas aussi, accessoirement. Voilà, c'est pas une maladie. C'est pas une maladie. Ce n'est pas une idéologie non plus, hein. Ce n'est pas une propagande, voilà. n'est pas parce qu'on met des arcs-en-ciel sur les trottoirs, oui, que les gens vont devenir gars en la regardant. Ah ouais, clairement c'est pas. Ça. Voilà, voilà. Oui, donc le film Billy Elliot, vous le connaissez tous, je pense, qui date de 2000. Le musical est arrivé en 2005. Il y a beaucoup de petits Billy Elliot qui ont eu de belles carrières ensuite. Genre, l'un des exemples que j'ai, que vous connaîtrez tous, c'est Tom Holland, qui est le dernier Spider-Man. Ah, est-il gay? Bah, on s'en fout. Voilà, exactement. Voilà. Tout le monde s'en branle. C'est ça. C'est que tout le monde s'en branle. Il a beau être artiste de comédie musicale, il n'est pas forcément gay. Sachant aussi que dans la comédie musicale, il y avait le personnage de Michael. Oui. Là, pour le musical, il était ouvertement gay. Et ils avaient supprimé ce personnage. Enfin, ils avaient supprimé, en fait, son homosexualité dans la version hongroise, déjà. Oui. Donc à partir de là, voilà, donc il y a 15 représentations en tout qui ont été annulées en Hongrie. Mais c'est l'opéra de Hongrie qui a pris cette décision. Oui, c'est l'opéra, ouais. Ouais. Donc c'est super triste parce que Elliot, oui, voilà, c'est là aussi, c'est de la culture, quoi. Puis si vous avez eu la chance de le voir sur scène ou de voir des extraits vidéo, mais vous voyez que ceux qui sont castés pour le petit Billy Elliot, ils sont impressionnants, quoi. Des danseurs de folie. Mais oui. Après, voilà, il tourne à... Il y a le DVD qui est disponible, d'ailleurs. Ouais, ouais, tout à fait. Et non, c'est... Voilà, décision lamentable. Voilà. Voilà, donc on a parlé d'un Tom, on passe d'un Tom Holland à un Tom Hopper. Hopper. Ah, je mets Hopper. Oui. Donc Tom Hopper, donc réalisateur des Misérables, Le Discours d'un Roi, etc., va réaliser, attention, roulement de tambour, le film... Cats, le film Cats, tiré du musical de Andrew Lloyd Webber. Voilà. Chat, titre. Non titre avec, ouais, les chats. Donc, le musical qui date de 82, début de tournage en novembre pour une sortie en 2019. Andrew Lloyd Webber a déjà préparé de nouveaux morceaux, dont un pour Victoria, le chat Victoria. Oui, mais. Il y a que des chats, donc. Il est gentil. Il y a des gouttières aussi. Tu restes là-dessus, tu restes sur cette blague. Tu valides? Oui, oui. Ok, très bien. On ne. Parce qu'Alexandre va enchaîner avec le début du casting. C'est ça. On a quelques petites rumeurs données par That Hashtag Show sur internet. Oh mais quel accent magnifique. Oh, j'ai mis Anna Hathaway. Très bien. Donc Anna Hathaway et Rihanna sont a priori dans le cast. Anna Hathaway, c'est pas super étonnant parce qu'il l'avait déjà. Déjà dans Les Misérables. Rihanna, c'est plus étonnant, surtout qu'elle sera dans le rôle de Bombalurina. Qui n'est pas un explosif à la base de pisse, hein, je précise. Non ! Non, mon dieu ! Tu couperas, c'est pas grave ! Non, je le garde ! Si, tant pis pour ça. Donc, alors, personnellement... C'est ça. Personnellement, vous savez, je crois que je l'avais dit dans le premier épisode, que je n'étais pas du tout un fan de Cats. Bah, si tu l'avais pas dit, maintenant, c'est fait. Voilà. Voilà. On sait que t'es allergique, quoi. Autant les musiques, il y a des musiques sympas, les chorégraphies sont extraordinaires, ça c'est sûr. Mais en faire un film, Bah, ça existe déjà, surtout, en fait. Oui, il y a le film de la version... Oui, de la version scénique. Oui, mais là, voilà. Je pense que ça sera vraiment un film comme pour Les Misérables. Mais c'est pas grave, ça s'annonce expérimental. Enfin, je veux dire, quand tu vois les films qu'il a pondu Tom Hooper, tu te dis pourquoi pas. Oui, c'est pas dégueulasse. Là, honnêtement, déjà que j'ai du mal avec le truc original... La version film. Mais justement, je laisse bien sûr une chance, on en parlera à sa sortie. Vu qu'il y a des nouveaux numéros, vu que le cast s'annonce intéressant, il y a peut-être moyen d'avoir quelque chose qui va surprendre. Bon, ça va être sur les choix de mise en scène. Hein. C'est ça, très clairement. Moi, c'est clairement ça que j'ai envie de voir. Hein. C'est la mise en espace du film, quoi. J'ai absolument pas peur pour les lumières, etc. Ouais, parce que les lumières, à chaque fois, des films de Tom Hooper sont extraordinaires. Regardez donc les films de Tom Hooper, on vous propose bien sûr Les Misérables, qui est quand même une très bonne adaptation. Oui. Et pourtant, c'est celle qui vous le dit. Oui, j'aime pas Les Misérables, mais celui-ci, je crois que j'ai regardé en boucle. Voilà. Ce type a quand même osé nous sortir les Misérables en film quasiment intégral. Je trouve qu'il y a très peu de coupes. Ouais. Il y a plus de coupes, il y a très peu et de coupes. Alors que c'est une forme opératique, quoi. J'ai envie de dire Cats, pourquoi pas. Et puis, il y a le cast qu'il avait sorti pour Les Misérables aussi. Oui, oui, oui, oui. On est sur du cast Platinum, là, clairement. Ouais. Voilà. Hein, voilà. News suivante, on reste aux États-Unis avec Pharrell Williams et Kenya Barris qui travaillent sur une comédie musicale autour du Juneteenth. Et c'est bien que t'aies pas fait de transition pour celui-là. Ça ressemble pas mal. Donc, je vais pas le répéter, c'est une fête afro-américaine en mémoire du dernier jour de l'esclavage aux États-Unis. Alors c'est un très beau projet, je trouve, c'est une très bonne idée de faire ça là-dessus. Je ne sais pas du tout ce que ça pourrait donner, hein, très clairement. Donc Pharrell Williams à la musique et Kenya Barris au livret. Donc Kenya Barris, c'est le producteur de la série Blackish. On reste toujours dans un thème très afro-américain, et c'est tant mieux. Il y a besoin de personnes qui en parlent et qui le revendiquent. Et puis ça fait du taf aussi pour toute... C'est ça. Voilà, toute... Je sais qu'il y a un documentaire qui va sortir sur Netflix, je crois, sur les acteurs afro-américains. Ah, yes. Attends. Donc j'ai vu ça hier justement, une bande-annonce, avec entre autres, je sais qu'il y avait le gamin qui est dans Stranger Things, le Black. Quand on voit Hamilton, quand on voit ça etc., ça fait du bien de voir un petit peu... Si tu vois un truc dans la lignée d'Hamilton... Ouais, des personnes de couleur, les voilà. POC comme on dit là-bas, qui peuvent avoir leur place, sans aucun souci. Puis tant qu'ils proposent pas Sierra Bogues pour être dedans, et ben... Je sais pas. Non, je dis que des conneries depuis tout à l'heure, j'ai laissé. Voilà. Hein, ouais. Alors, on parlait tout à l'heure d'un homme, d'une légende morte. On revient à une autre légende morte. Une autre morte. Légende morte, du coup. Après, arrête les transitions. C'est ce que je fais de mieux. C'est pas ton truc. Tu arrêtes tout ce que tu fais, tu arrêtes. J'aurais dû le mettre directement tout à l'heure, en fait. Un musical sur la vie de Michael Jackson est en préparation pour une sortie en 2020, écrite par Lynn Nottage, qui a eu 2 prix Pulitzer, et chorégraphie de Christopher Wildon, qui a quand même travaillé au New York City Ballet et Tony de la meilleure Corée pour un Américain à Paris. Tout à fait. Non, alors, honnêtement, je vois pas vraiment le rapport entre la vie de Michael Jackson et les chorégraphies style un Américain à Paris, mais je peux me tromper. Et puis c'est surtout que la vie de Michael Jackson, en fait, pour tous ceux qui avaient à peu près l'âge de regarder tout ce qui est passé à la télévision quand il est décédé, il a pas eu à aucun moment dans sa vie, il y a eu une période où il était méga heureux. Mmh. Je veux dire, entre les moments où il était dans les Jackson 5, les moments où il a été utilisé par son papa, après quand il a fait sa carrière solo, on parle pas non plus des procès pour pédophilie. Ils en parleront pas, ça très clairement ils en parleront pas. Ah bah alors il y a toute une grande partie des années 90 à 2000 qui va servir strictement à rien en fait. À mon avis ce sera surtout la musique, ils vont surtout se baser sur la musique. Bah alors vous fatiguez pas, regardez les clips sont des mini-films. C'est ça. Donc là honnêtement, après quand on voit les personnes qu'ils ont pris, on peut avoir une belle surprise, mais s'ils parlent pas effectivement de tout ce qu'a dit Cyrielle, ça va être chaud quoi. Ça va vraiment être édulcoré au maximum. Ce serait triste. Oui, oui, parce qu'il a eu une vie triste, il a eu une vie tragique, cet homme-là. Enfin, voilà, on sait même pas si c'est... Enfin, quelqu'un de bien, c'est horrible de dire ça, mais voilà. Il a quand même été condamné, il me semble. Il a trempé dans des histoires qui n'étaient pas très nettes. C'est pas beau à voir, en fait. Oui. Donc, remuer la merde, c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Non mais voilà, après moi je suis fan de sa musique, je fais partie de ces gens qui ont été voir This Is It 2 fois dans la même journée, qui ont pleuré les 2 fois. C'est vrai que j'ai Oh là là, mais vas-y, toi qui en plus es fan de scénographie et trucs comme ça, tu vas pleurer. C'est les images d'un show qui n'aura jamais lieu, et le show c'était une tuerie, en fait. Mais il n'aurait pas survécu ne serait-ce qu'à la moitié de la tournée qui était prévue. Ouais. Voilà, c'était pas possible parce que c'était pas humain ce qui était prévu. Mais puis alors il y a des musiciens, mon gars. Bah oui, ces musiciens sont extraordinaires. Voilà, donc tout chorégraphié, tout en cascade, en lumière, en show, il y avait de la pyrotechnie, il y avait les danseurs qui étaient prévus, mais les danseurs quoi, c'est juste non. Déjà eux ils étaient dégoûtés parce que résultat il y a du taf qui s'est supprimé, ni plus ni moins. Donc non, pourquoi? Je sais pas. Moi, utilisez les musiques, mais au contraire, utilisez-les. Il faut que ça. C'est pareil, c'est de la culture, c'est du patrimoine, c'est du. Voilà, allez-y. Faites un jukebox musical, quoi. C'est ça. Putain, mais c'est. Thriller, quoi. Ce gars, c'est horrible. Il a eu une vie, mais atroce. Laissez-le reposer en paix. Tu m'étonnes. Non, moi, un biopic, je prends. S'ils en font une version filmée directement, pourquoi pas. Il n'y a pas de film sur sa vie. Là, non, c'est plus. Il y a des documentaires. Ouais, des documentaires, mais ce serait plus intéressant de faire un véritable... Enfin, plus intéressant, non. C'est pas plus intéressant, mais... Ouais, hein. Là, ce serait intéressant. Je vois pas vraiment une comédie musicale, si c'est pour l'édulcorer, voilà. Un biopic musical. Ouais. Qu'il le fasse, franchement. Il y a matière. Tu dis que sa vie a été profondément tragique, oui. Oui. Il y a un potentiel scénique, dans le bon comme dans le mauvais. Et on pourrait même se passer de plein de pans de sa vie qui auraient encore une masse de données à traiter. Oui, c'est ça. Peut-être, tu te rends compte, il y a des gens qui ont vraiment des vies incroyables. Genre, vraiment, parce que le mec, c'est véritablement une légende. Et il n'y aurait même pas besoin de galvauder la réalité comme... Comme sur Phineas Tyler Barnum, par exemple, dans un petit film qui est sorti il n'y a pas longtemps. Il n'a pas fait beaucoup de vues, je crois. Non, c'est un peu passé inaperçu, je crois. Ouais, je crois aussi. Dernière petite news avant de passer au gros, gros sujet. Avec une petite entrée en matière quand même, juste pour parler un petit peu des Molières 2018, du spectacle musical qui est attribué à l'histoire du soldat de Ramus et Stravinsky, mise en scène de Stéphane Drouet au Théâtre de Poche Montparnasse. Je ne retiens de cette cérémonie que la participation de Blanche Gardin. Désolée. J'ai évident. Évidemment. Très bien. Voilà. Je prends l'info, mais elle sera faite plus tard. Parmi les nominés dans la catégorie, il y avait La Dame de chez Maxime, Grease et Priscilla Folle du Désert et Histoire du Soldat, donc qui a été primé. Histoire du Soldat, ça m'étonne pas vraiment parce que c'est beau. Voilà, c'est un petit théâtre beau. Voilà, c'est pas extraordinaire, mais de toute façon, c'est bien connu. Les Molières ne sont pas réputés pour faire dans le populaire, j'ai envie de dire. Non. Oui, c'est un petit... Enfin, c'est du faussement sélectif. Ce qu'ils n'ont pas choisi, c'est forcément de la merde. En fait, et je trouve ça un peu... Il y a quand même l'idée de ça ne mérite pas d'être aux Molières. Mais en fait, qu'est-ce qui mérite d'être aux Molières, très sincèrement. Enfin, voilà, penchez-vous sur les programmations des petites salles de Paris. Il y a des tas de spectacles qui sont fabuleux et qui sont pas forcément primés aux Molières, en fait. Donc, et qui mériteraient beaucoup plus que d'autres ou pas, ça reste à débattre. Mais voilà, c'est ce que je reproche un petit peu aux Molières. Ouais, au truc... à la cérémonie française. Puis en plus, de pas être drôle dans leur cérémonie, d'être lourd... Le coup de l'envie d'aimer était terrible. Ils essayent de s'amuser entre eux. Il y a des moments de gêne intenses, par contre. Ah, ça fait des années que tous les ans, on a un moment de gêne horrible. D'à peu près 2h30. C'est ça. Non, on sera pas invité au Molière, ça c'est sûr. Non, mais c'est dommage, parce qu'il y a du monde, il y a du beau peuple, en fait. Ouais. Et même les gens qui sont primés, il y a de la matière. Mais, Et puis, on en parlera plus tard, mais il y a moyen de faire une cérémonie très sympa avec beaucoup moins de moyens que ce qu'ils ont, eux. Posez-vous les questions. Ça, c'était un petit teasing de ce qui va se passer tout à l'heure. Mais de quoi va-t-on se parler ? Et nous continuons, on retourne aux États-Unis cette fois-ci. On va commencer notre dossier, donc vous l'avez compris, avec les Molières. On va passer au dossier des... Des récompenses, des cérémonies, mesdames et messieurs. J'ai tellement bugué. Avec... Oula. J'ai un chat dans la gorge. Cracheux. Avec les Tony Awards. Arrête, non. Et on commence avec les Tony Awards qui ont eu lieu le 10 juin 2018 aux États-Unis à Broadway. Enfin, pas à Broadway, mais vous avez compris. Oui. Alors. On va saisir l'idée globale de la chose. Général. Alors là, le plus grand gagnant des Tony Awards de cette année, c'est The Band's Visit. Oh, quoi? Avec 10 prix gagnés. Sur pas beaucoup plus. Non, sur pas beaucoup plus. et donc, c'est bien sûr la meilleure nouvelle comédie musicale, c'est The Band's Visit. Je dis un petit peu tout ce qu'ils ont eu, eux. Mais ils ont sauvé les meubles. Hein. Bah ouais. Meilleur livret d'une comédie musicale, meilleure nouvelle partition, meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur acteur dans un second rôle, meilleure mise en scène, meilleure orchestration, meilleur éclairage et meilleur son. Voilà. Meilleure mise en scène, c'est pas Bob. Attends, je me suis bloqué. Non, c'est meilleur décor, Bob l'éponge. Ah, Bob est meilleur décor, pardon. Ouais, voilà, oui, du coup, il y avait Bob l'éponge. Tout le monde avait une seule crainte, c'est que Bob l'éponge gagne le trophée de la meilleure comédie musicale. Mais c'est surtout qu'ils étaient énormément nominés. Oui, aussi, comme The Band's Visit. Il n'y avait pas beaucoup de nouveautés dans ces Tony Awards. Bah, puis on sort de 2 ans qui étaient hyper riches en spectacle, en fait. C'est vraiment ça qui pêchait un peu cette année. Mais après, Bob l'éponge est très bien, enfin, pour en avoir vu des extraits, c'est un beau spectacle, c'est sympa. Ah ouais, on s'en prend aussi plein la gueule. C'est très édulcoré. Pour le coup, j'aime beaucoup le mot édulcoré aujourd'hui, c'est le mot du podcast. Et bien, nous très coloré, très. Voilà. Très bien. Voilà, tu T'es mis au régime récemment ou... Oui, en plus. Okay, d'accord. Niveau des autres nominations, enfin des autres gagnants, on a Once on This Island pour le meilleur revival. Normal. On a la meilleure actrice dans un second rôle pour Lindsay Mendez dans Carousel. On a meilleure chorégraphie, pareil, Carousel, avec Justin Peck. Donc meilleur décor, c'est SpongeBob. Et meilleur costume, c'est My Fair Lady. Voilà. Bah, ils étaient effectivement magnifiques. Donc bien sûr, il y a eu tous les théâtres, on va pas parler du théâtre, parce que c'est pas vraiment le sujet du podcast. Mais voilà, c'était quand même une année pour moi que j'ai pas trouvé extraordinaire au niveau des Tony Awards, je dois l'avouer. Au niveau même des nouveautés sur Broadway directement, donc oui, ça... Ça impacte, nécessairement. Et on avait donc en présenteur Josh Groban et... Sarah Bareilles. Voilà. Bien Charlotte. Il faut savoir que les Tony Awards aussi sont les Tony Awards sont un événement, c'est très bizarre comme phrase. Non mais ça va bien se passer. Merci monsieur Grammaire. extrêmement regardé à la télévision américaine et même dans le monde entier d'ailleurs pour les personnes qui aiment. Nous on l'attend. Voilà, c'était dans la nuit donc on n'a pas forcément regardé en direct. Il y en a trois en France, c'est nous. Voilà, c'est ça. Non, même pas moi parce que. Non, moi non plus. Que... Bah t'es gentil, moi j'avais une petite scène un peu le lendemain et je pouvais pas trop dormir. Cela est vrai. Et donc ils ont fait comme à leur habitude, comme aux habitudes des Tony Awards, des petits shows, des petits ils morceaux, ont fait voilà. Comme ils savent faire. Voilà, ouais. Ils savent très bien faire ça. Mais malheureusement, en fait, on sort de même le numéro d'ouverture. En fait, moi j'ai adoré parce que voilà, j'aime vraiment beaucoup Sarah Bareilles et Josh Groban. Et Josh Groban. Sarah Bareilles. Oui, ok. Et Sarah Bareilles. Okay. Non, mais. Et ouais, Josh Groban aussi. Merde. Non, mais même le numéro d'ouverture, c'était sympa, mais j'ai pas eu le moment où je me suis dit, ok, je vais le regarder en boucle parce que c'est un truc où je veux m'en souvenir comme tout ce qui était Gordon ou Patrick Harris. Ou, voilà, on n'a pas forcément envie. Moi, je suis un très grand fan de Neil Patrick Harris. Oui. Harris, oula. Patrick Harris. Dans ses numéros pour les Tony Awards, ils sont tous plus magnifiques les uns que les autres. C'est drôle, en fait. Il y a un second degré qui est délectable. L'année dernière, c'était touchant. Oui. Avec, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Attends. Oui, mais j'ai oublié son nom. Gordon. Avec James Corden. Voilà, c'est ça. Donc James. Lui était très très touchant. James qui n'est pas du tout un prénom hyper répandu en plus, c'est pour ça qu'on s'en souvient pas. C'est bien. Qui était vraiment très touchant. Alors dans tous les cas, on vous conseille d'aller regarder les vidéos qui sont directement disponibles sur le site. Non, même pas. Si, le YouTube officiel des Tony Awards a dû remettre les vidéos des... Oui. Des... Prestations. Merci. Oh là là, je bug. En une brique, en un mot. Vas-y, je joue. Et nous allons passer à quelque chose qui est beaucoup plus proche de nous dans le temps, mais aussi dans l'espace. Oula. Oh. Au niveau géographique, quoi. Avec le 18 juin 2018, les trophées de la comédie musicale. Oui. Alors, ah là là, c'est incroyable. Ah là là. Calmez-vous dans le public. Donc Jordan et moi nous étions dans la salle directement, nous avons pu voir cela en direct. Voilà, et Cyril est jalouse. Tout petit peu. Et Cyril a pu voir ça directement sur YouTube, car oui, contrairement aux Tony Awards, les trophées de la comédie musicale mettent toute la cérémonie, voilà, sur internet, sur YouTube, gratuitement. Et même si vous voulez pas vous taper la totalité de la cérémonie, en fait, ils ont fait un petit découpage. Ils sont super sympas et c'est très bien. Ils sont très gentils. Et non, mais regardez la totalité de la cérémonie. Il faut dire aussi que ça n'a pas été retransmis cette année. Mais pour l'année prochaine, c'est prévu. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, les trophées de la comédie musicale sont nés l'année dernière, donc pour la saison 2016-2017. L'initiative de Broadway à Paris, Musical Avenue, Kirenza, je suis vraiment désolé. Kirenza. Voilà, Kirenza, Musidrama, Musical Avenue, je l'ai peut-être déjà dit, Patrick Nedo et Regard en coulisses. J'ai peut-être dit des trucs deux ou trois fois, c'est pas impossible. Pour être sûr que vous avez bien entendu. Comme c'est lui qui monte. Et donc, ces entités-là ont créé l'année dernière les trophées de la comédie musicale, où justement ils donnaient des trophées au monde de la comédie musicale, c'est pas vrai. Et du coup, je trouve que le nom du truc est plutôt bien. bien choisi, en l'occurrence. Hein, je te dis, moi, c'est bien pensé. Personnellement, j'aurais pu te dire genre trophée du théâtre musical parce que ça englobe plus de choses, je trouve. Mais après, ce n'est que mon avis personnel, on s'en fout. Effectivement. On est un peu là pour dire ce qu'on pense, hein, parce que sinon, on prendrait pas le temps de s'enregistrer. Enfin, c'est ça. Voilà, et on irait dehors au lieu de s'enfermer par un temps aussi superbe pour vous proposer un podcast d'une qualité exceptionnelle. Voilà, parce que c'est moi qui monte après, doucement. Et donc, l'année dernière, ça avait été enregistré directement et ensuite retransmis en différé, on va dire, sur Internet en direct, donc en différé. Et ensuite... ah oui, mais... Comment tu veux que j'explique ça autrement? Ça a été mis en direct, mais c'était en différé, donc... C'était en direct, en différé. Très bien. Mais ouais, mais c'était... Non, mais... Il y a eu les deux. Je voilà. prends l'info. Donc, l'année dernière, il y avait Oliver Twist 31, etc., qui ont beaucoup gagné de... Non, pas du tout Oliver... Si, Oliver Twist. J'ai bugué avec Tom Sawyer là, cette année, donc c'est pour ça. Oui, la confusion est... Elle est très simple à faire. Donc, tout ça, l'année dernière, bon, il y a eu beaucoup plus de choses. Hein. Doucement, je ne me souviens pas de ce qu'il y avait eu l'année dernière, donc allez regarder sur Internet et arrêtez de m'énerver. Mais il a raison d'anticiper, ceci dit. Je vous ai vu tous les deux. Hein. Je vois pas de quoi tu parles. Et donc cette année, nous avions l'enregistrement le 18 juin pour une retransmission la semaine dernière, du coup, au fur et à mesure, donc tous les trophées directement d'un coup, et ensuite, au fur et à mesure des jours, ils ont été séparés directement pour chaque trophée. Un très joli travail vidéo, je trouve. Oui. Pour le coup, c'est Capta Vidéo qui a fait tout ce travail de captation, justement. C'est quel nom magnifiquement trouvé, quand et même. C'était pour le faire. Très agréable parce que voilà, d'avoir assisté à la cérémonie et d'avoir revisionné la captation qui vient d'être faite. Non, c'est très bien. C'est très agréable de revoir les choses qu'on a vues sur scène. C'est très sympa. Et c'est surtout très sympa d'avoir un vrai public. Dans la salle, ça change vraiment même au niveau des artistes. Ça n'a rien à voir. Voilà. On a eu des beaux moments, hein. Oui. D'émotions et tout. On va y revenir. Les Américains font du spectaculaire. En fait, les Français ont cette capacité à faire du touchant. C'est vrai. En fait, les trophées d'honneur étaient extrêmement bien choisis. Les deux présentateurs étaient extrêmement bien choisis, donc Prisca Demarez et David Alexis. Exactement. Bah, qui sont deux lauréats de l'année dernière. Ouais, voilà, lauréats d'interprétation. On peut encore les voir aujourd'hui sur scène. Courez-y. Et puis si vous n'avez pas vu les trophées, allez regarder Paris sur YouTube. Ils sont extraordinaires. Voilà, c'est des beaux. En fait, il y a vraiment des beaux moments. Et il y a cette capacité à assumer les petites bafouilles, à assumer les petits couacs du direct. On voit que c'est des professionnels de la scène c'est pas un truc tout lisse et tout manié pour que ce soit parfait, en fait. Mais c'est ces petites choses qui font un truc hyper touchant et hyper... Vivant. Ouais. Les spectacles. C'est ça. Vivant. C'est vrai qu'en tant que maître et maîtresse de cérémonie, ils ont été extraordinaires. Oui. En arrivant à être très drôle, sans être lourd, très élégant, sans être dans les mondanités. Oui, sans dans le truc. C'était, il n'y avait pas de fausses notes. Voilà. C'était maîtrisé et agréable du début à la fin. Ouais, vraiment. Vocalement, tous les morceaux qui ont été faits, tous les hommages rendus, tous les medleys, c'est un pur bonheur. Et en parlant des hommages, justement, la première prestation était donc un medley Starmania. Mm. Et ils ont fait un truc très appréciable, les trophées de la comédie musicale, ils sont allés piocher un ensemble directement dans les différentes écoles et centres de formation de comédie musicale de la capitale. C'est ça, exactement. Ouais. Donc, on va pas vous les citer tous, il y en a beaucoup. Il y en avait au moins 7, je crois, cette école. Il y en avait 7. T'avais l'ECOM, le PCM, le Studio International, Conservatoire du 9e, je crois. Ouais. Et Correa, et les autres, je les oublie et je m'en excuse. La liste complète sur le site internet. ça permet voilà, à des jeunes diplômés ou en cours de faire une scène directement. Voilà, puis de rencontrer des gens aussi. Hein. Je veux dire, c'est un métier qui marche beaucoup par réseau et c'est appréciable de se retrouver un peu projeté comme ça dans le monde. Réel, entre guillemets, et de pouvoir rencontrer des gens qui en vivent et qui travaillent vraiment là-dedans. C'est ça, c'est vraiment très belle initiative. Oui. À continuer comme ça. Exactement. Comme ça. Oui. il faut toujours aller plus loin l'année prochaine, peut-être en direct directement, ce serait extraordinaire. Et une chose aussi que je voulais dire, que j'apprécie tout particulièrement, c'est qu'il n'y a pas eu de montage plus que ça. Oui. Il n'y a pas eu de coupe de fait au niveau de la captation. Et ça donne vraiment, voilà, c'est du live. Parce qu'il n'y a pas eu, parce qu'il y a pas eu besoin. Ouais. Oui, on, le rythme est soutenu et il n'y a pas de moment où on fait... Il serait bien qu'ils enchaînent quand même. Ce qui peut arriver dans d'autres petites cérémonies françaises dont nous ne citerons pas les noms. En parlant de... Oui. Enfin, il y en a certains au niveau justement de recevoir les trophées qui ont pas mal taclé justement ces entités-là. Je pense bien entendu à l'excellent Fabien Richard, donc, qui a été le trophée de l'artiste interprète masculin pour comédien. Pour le coup, c'est apparemment ce n'est pas lui. Enfin, il l'a dit directement dans la vidéo. Ce n'est pas lui qui a écrit ce speech. Oui, il a payé quelqu'un pour écrire son discours. Et il était extrêmement bien écrit. Donc bravo d'avoir fait ça et justement qui a taclé les Molières, disant que ça fait à peu près depuis 2002 que on ne fait plus de blagues sur les 10 commandements, hein, très clairement. Et quand il a dit ça, mais il y a eu un tonnerre d'applaudissements dans la salle, c'était vraiment, oui, exactement, merci de l'avoir dit. Oui. Donc c'était vraiment super. Donc voilà, pour moi, Fabien Richard, c'est l'un des speeches les plus marquants pour moi de ces trophées. Tout à fait d'accord. Il y a eu... Yanis Sia, qui est donc... C'est un énorme coup de cœur. Oh là là. Parmi d'autres, hein, parce que Emmanuel Guélin aussi, enfin les remerciements à Emmanuel Guélin étaient super touchants aussi. Et j'ai trouvé petite Emmanuel Enzouzi super mignonne dans sa grande robe blanche. Bon, Alexandre Fetrounier avec sa photo, enfin voilà, il y a eu plein de... En fait, tous les remerciements ont été touchants. C'était agréable à voir. Je n'ai été déçu honnêtement par aucun trophée. C'est ça. J'ai trouvé vraiment que les trophées étaient... bien donné. Mais que... parce que les nominations étaient belles aussi et étaient justifiées, je trouve. Enfin, que ce soit dans les spectacles pour enfants, enfin, ou pour jeunes publics, que ce soit... Il y avait aucune fausse note. Mm. Et même s'il y avait beaucoup de... Enfin, Grise a été beaucoup nominée, c'était justifié parce que c'est un beau spectacle et parce que c'est à l'affiche depuis longtemps et... Voilà. Mais ce qui est marrant, c'est que Grise, avec ce côté un peu délifaciès, on se dit ouais, c'est plus grosse production sur Paris. Alors est-ce qu'on est obligé de leur donner des trophées ou est-ce qu'on les réserve pour les autres? Et finalement, ils ont le mérité. Ils ont raflé énormément de prix d'interprétation parce que le casting est exceptionnel, quoi. Tout à fait. Voilà, ça en est un point où Fabien Richard a eu dans Comédien a eu le trophée de l'artiste masculin de l'année. Voilà, Alexis Loison était nommé aussi. Oui. Et tu regardes, mais ouais, tout ce qui est second rôle et ensemble de Louise, c'est du tonnerre et on le voit sur scène, donc c'est parfaitement et on dit toujours que c'est toujours les mêmes qui sont castés, mais... ils sont bien, mais ils sont bons. Mais oui, ils sont bons. Ils sont bons, voilà, Alexis Loison, on a pu le voir dans plein de choses aussi, tout ce qui passe à Mogador, de toute façon... Ils reprennent toujours plus ou moins les mêmes, mais parce que voilà, en fait, ils ont trouvé une équipe. Je crois qu'il a une loge à son nom. Grave, mais c'est ça. Alexandre Fetrouni, pareil. Alizée Lalande, pareil. Enfin, c'est des gens qu'on a vus sur que ce soit sur le Bal des Vampires, que ce soit sur La Belle et la Bête, que ce soit sur... voilà, c'est vraiment une belle équipe. C'est pour ça, quand ils parlent de famille et choses comme ça, mais oui, totalement, parce qu'en fait, ils sont extrêmement bien trouvés. C'est ça. Et ça fait du bien de voir des choses qui fonctionnent. Et honnêtement, ça fait aussi plaisir pour nous qui sommes donc dans ce milieu de la comédie musicale, c'était très moche. Pour nous qui sommes donc de futurs artistes sur scène, touche du bois, etc. Ça fait aussi plaisir de voir que c'est une véritable famille, ce milieu-là. Que tout le monde se connaisse un petit peu, tu connais un tel, donc etc. Enfin, c'est... Pour les personnes qui étaient dans la salle, vraiment... Au fur et à mesure qu'on voyait les artistes arriver, tout le monde se connaît. Oui. Tout le monde se fait la bise. Bien sûr. Tout le monde se dit « Ah, c'est super ce que tu as fait, etc. » Et oui, effectivement, les gens ne sont pas là à dire... bon, peut-être dans le dos, mais ça, honnêtement, on ne saura jamais. C'est comme dans tous les milieux. Oui, voilà. Parce que moment où tu es humain, de toute façon, c'est la merde. Hein. C'est ça. À ce moment-là... C'est pas pour casser l'autre qui sont là. Et ça se voit, ça se ressent totalement. Quand, par exemple, quand on a Delphine Gransard... qui vient sur scène pour le Louis Weber dite la Goulue, qui joue sur scène la Goulue et qui est tellement à l'aise dans ce rôle et qui joue avec le public, mais c'est ça qu'on a envie de voir, c'est du spectacle vivant, c'est du lien les uns avec les autres et c'est extraordinaire. quand on voit, par exemple, comédiens, quand ils montent sur scène pour faire leur prestation aussi, c'est extraordinaire, c'est de l'ingéniosité là-dedans, c'est musical. Pourtant, comédien, pour ceux qui l'ont vu, la version qu'ils ont fait au Trophée de la Comédie Musicale, ça n'a pas grand-chose à voir. Enfin, si, bien sûr, au niveau de la musique. Mais je trouve que les extraits choisis étaient bien choisis, justement, et ça donnait envie pour ceux qui n'ont pas encore vu. Moi, j'ai pas eu la chance de voir Comédien encore, et bah, ça m'a encore plus donné envie d'aller jeter un coup d'œil vraiment pour la salle. Et c'est aussi normalement ça le but de ces cérémonies-là, c'est-à-dire que c'est pas de se remercier entre eux d'être des maîtres de l'univers, c'est de donner vraiment envie au public qui est pas forcément ciblé, bah, d'aller jeter un coup d'œil dans les salles parisiennes afin de faire vivre un petit peu la profession, quoi. Donc voilà, on le dit jamais assez, mais trouver sur Paris une salle qui n'est pas déficitaire depuis une petite dizaine d'années, c'est difficile. Ouais. Donc voilà, pour ceux qui sont dans des compagnies, pour ceux qui sont, enfin que ce soit du théâtre, de la danse, du chant, de peu importe de quoi, c'est hyper dur aujourd'hui d'en vivre. Et c'est justement ce public qui permet de subsister, de dire voilà, on fait ça pour plaire, hein, on fait ça pour que ça fonctionne, et on fait ça pour faire partager des choses. Et dans cette cérémonie-là, t'avais vraiment cette putain d'envie de faire partager cet amour inconditionnel de la scène et du spectacle, et c'était vraiment hyper appréciable. Ouais. J'ai rien ajouté, on dirait que tu viens de recevoir un trophée de la Comédie Musicale. Va pas pleurer. Non. Peut-être dans 10 ans, Inch'Allah, mais. Échalote. Mais. Pour y avoir de problème, tu comprends avantage. Non, mais. Ne me porte pas la poisse, on va déjà essayer d'en vivre et puis on verra après. Donc aussi c'était intéressant de voir, justement, je parlais de Delphine Grandsa, de voir un ex-aequo dans une cérémonie de trophées. Oui. Et effectivement, c'était un ex-aequo pilénet. Et que ça devienne pas quelque chose de gênant. Genre, on n'a pas su choisir. Non, c'est pas ça, c'est quand même le mérite tout le monde. Elle l'avait mérité, et dans des choses très différentes. Oui. Clairement. Donc c'était Delphine Grandsa et Alizée Lalande pour Grise. Donc Alizée Lalande qui faisait la Sandy de Grise, qui était extraordinaire. Et Delphine Grandsa qui faisait la Goulue. Et voilà, sachant que les persos de Grise, on revient de loin quand même. C'est-à-dire qu'entre ce qui se passe dans le film de l'époque, où, voilà, ça a été très difficile de remettre ça sur scène, je pense, aujourd'hui. C'est de l'adaptation à proprement parler. C'est clairement de l'adaptation, parce que ne serait-ce qu'en termes de niveau d'humour, genre, voilà. Heureusement qu'il y a eu une grosse autodérision sur ça, parce que sinon ça aurait été une gêne extraordinaire. Évidemment, ressortez le film et penchez-vous un petit peu, que ce soit sur les paroles des musiques ou que ce soit sur le script. Enfin, si vous êtes un tout petit peu féministe ou un tout petit peu ne serait-ce qu'humaniste, vous allez faire des bons, quoi. Voilà. Dire, et le rôle... vraiment, il n'y a pas de simple, plus gros que c'est de la nette. Voilà. Et alors le rôle de Sandy, hyper touchant, et puis mais c'est pas une princesse, quoi, c'est... Non, est bien le rôle de Sandy, elle a été très bien castée, elle a très bien fait le job, de la même manière que... Elle a un petit côté un peu Olivia Newton-John... En plus elle est magnifique, elle a une super voix, Et puis contrairement au film, voilà, on l'avait dit déjà, je crois que dans le premier épisode, mais ils n'ont pas l'air d'avoir 30 ans et d'être encore au lycée. Oui. Donc ils sont, voilà, c'est quand même super triste, mais oui, on regarde le film, tu fais, 35 ans, toujours en seconde, c'est compliqué, hein. Donc non, il y a, ils font jeunes parce que ils le sont de toute façon, il y en a pas beaucoup qui dépassent la trentaine, hein, ou je crois qu'il même y en a pas. Donc, non, pas. Je sais pas quel âge Alexis. Alexis Loison, il y a peut-être 30 ou 32, hein, Si ce n'est pas le cas, on s'excuse. Voilà. Non, on aurait dû regarder avant, c'est mon problème. Voilà. Hein, c'est des jeunes bourrés de talent, quoi. Des jeunes adultes bourrés de talent, ça fait du bien, c'est débordant d'énergie. Non, le talent, c'est la monnaie égyptienne. Putain. Il fallait que je le place. Et en face de ça, on a une autoproduction portée à bout de bras par Delphine Grandsart. Oui, c'est vrai. Voilà, en mode briscard baron du métier qui est arrivé, qui a fait la seule prestation sans micro. C'est vrai. La cérémonie. C'est vrai. Ah oui, j'avais même pas relevé. Sur internet, ça m'a pas choqué. Non, parce qu'il y avait des micros d'ambiance directement. Ouais. Dans la salle, ça choquait pas non plus. Hein. Non plus, parce qu'elle a une voix qui porte. Ah, c'est une véritable artiste de scène. Pas de problème, il y a théâtre, hein. C'est une grosse que j'avais tellement adoré dans Cabaret. Cabaret. Et au final, je trouve que le rôle est à peu près semblable avec le rôle qu'elle avait dans Cabaret. Après, je n'ai pas encore vu la Goulue. Je sais, je suis désolé Delphine Grandsart, je suis désolé vraiment. Je pense qu'elle t'en veut. Oui, je sais, mais elle m'en veut horriblement. Voilà. Donc allez voir, il y aura une reprise à la rentrée de la Goulue d'ailleurs. Ah, ça y est. Oui, ça a été annoncé il y a quelques jours, quelques heures, je ne sais plus. Ah bah alors, son appel a été entendu ou elle a réussi à trouver un producteur? Soit elle a réussi à trouver un producteur, soit elle a réussi à avoir de l'argent pour réussir à continuer d'autoproduire sa pièce. Donc, niveau jeune public, on a les aventures de Tom Sawyer, qui a eu pas mal de prix au final, si je ne m'abuse. Oui, bah c'est... Trophée du public aussi, bien entendu. Trophée du public. Et c'est tout. Et trophée de la partition aussi. Nous avons donc le trophée de la comédie musicale Comédien. Qui a eu aussi trophée de l'artiste interprète masculin. Pour Fabien Richard. Révélation féminine pour Marion Préité. C'est ça, trophée du livret. Oui. Trophée de la mise en scène qui est extraordinaire, je trouve. Et c'est tout, c'est déjà ça. C'est déjà simple. Oui, c'est pas vrai. Trophée de la revue au spectacle musical à Beau, le voyage musical que je n'ai vu que par vidéo, malheureusement. Ouais, et de Catherine Lara et MC Solar, c'est ça. Par contre, enfin, les critiques sont très très bonnes. Et ça ne m'étonne absolument pas qu'ils aient eu le trophée de la scénographie. Oui, totalement. Parce que c'est vraiment impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire. Oui. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment mérité, c'est ce que je redisais tout à l'heure. Donc on a déjà parlé pour l'artiste interprète féminine. Emmanuelle Ndezi pour l'interprète féminine dans un second rôle. On lui fait des bisous. Oui. Qui est extraordinaire aussi, vraiment, on lui fait beaucoup de bisous, Manu. Ah bah... Trophée de l'artiste interprète masculin dans un second rôle pour Alexandre Fetrouni que j'ai... Alors... Il était adorable. Ouais. Adorable, et je ne sais pas, pour ceux, ce que j'ai adoré déjà dans son speech, c'est voilà, j'ai fait ma blague, je sais plus quoi lire. Voilà, c'est ça, il y avait l'idée de. C'était prévu, mais c'était pas trop prévu non plus. C'est ça, voilà, voilà. Ce que j'ai adoré dans la prestation de Grise, déjà c'était beau. Et ce que je me suis dit, c'est que ça y est, Eugène a eu sa chorale. C'est vrai. Il a eu sa chorale, enfin. Et j'étais ému, en fait, j'étais ému par ça. Oui, mais en fait, c'est la chorale qu'elle a toujours voulu avoir, c'est trop mignon. D'accord. Et enfin, vraiment, vous avez quelques jours encore pour aller voir Grise. Je crois que c'est jusqu'au 8, 7 ou 8. 7, 8, ouais, un truc comme ça. Donc, si vous pouvez, allez-y. Allez le voir. Allez profiter de ce magnifique... Faites-vous du bien. Voilà, faites-vous la du salle bien. Est climatisée. Je sais pas, c'est... Profitez, c'est rare. Profitez, c'est rare. On continue donc trophée du livret comédien, bon, j'ai déjà tout dit pour comédien, trophée de la chorégraphie Grise, qui en doutait, honnêtement. Révélation masculine dans une comédie musicale, Yannis Sia, qui m'a ému, enfin j'avais aussi les larmes aux yeux parce que elle était juste vraie et c'est ça, enfin pourquoi en faire des tonnes quand tu mais peux juste dire que t'es au producteur, quoi, voilà. Il arrive en se faisant vacciner en mode beau gosse avec ses cheveux tout lissés, il est sapé 4 étoiles et tout, il arrive. Tu dis, ce mec-là dans la cour d'école, c'était vraiment le. Il mettait tout le monde par terre, tu vois. De, voilà. Le gars qui te fout le seum de base, tu vois. Et il arrive, et là. Et il se décompose. Il sait plus quoi. Il est pris par l'émotion et t'as envie de lui faire juste un gros câlin. C'est ça. Et t'as envie de dire, oui, mais chaton. mais tu l'as mérité, t'inquiète pas. C'est oui. Ça, c'est tellement ça. Je vous invite à revoir cette séquence. On vous met un extrait d'ailleurs. Extrait audio, c'est parti. Pardon. Merci. voilà, déjà, merci à tous les gars de la catégorie parce que c'est parce que vous êtes ouf que je me sens. Voilà. Merci à Mogador. Voilà. Merci. Pardon. Voilà, c'est fini. Nous, bien sûr, on l'a pas du tout entendu, hein, comme la dernière c'est fois. Toujours ensuite, révélation. Pardon, ouais. Tu voulais dire ? Non, je voulais juste dire que quand je suis triste, je me mets la vidéo de son discours, du coup. Oh, et je horrible. Me sens mieux un peu. Non, mais... C'est du feel good. C'est du feel good. Oui, c'est vrai que vous avez un petit côté feel good. On continue toujours dans le feel good avec Marion Préité dans Comédien, révélation féminine dans une comédie musicale, et qui était aussi touchante, mais à sa manière. Aussi touchant, très excellent discours aussi. Et allez voir Comédien. Et excellente comédienne et chanteuse, oh là là, elle est incroyable. Comédien, je crois que c'est jusqu'au 1er septembre, si je ne m'abuse, donc profitez de votre été. C'est ça, il va y avoir une relâche sur le mois de septembre, et après il recommence à partir d'octobre. Ah super, parfait. Je n'étais plus sûr. Nous avons aussi création de costumes de la comédie musicale. Ça ne veut rien dire ce que je viens de dire, mais vous avez compris, pour les costumes, c'est Jack l'Éventreur de Whitechapel qui l'a eu. Et c'est très bien. Oui, c'était extrêmement bien trouvé. Les costumes avec les imprimés journaux et c'est les ça. Pains, ouais. C'était vraiment. Les petits clins d'œil à l'histoire étaient assez présents pour être marqués, mais pas trop là pour qu'on fasse pas. Oh, dis donc, fallait rien faire. Hein. Donc non, c'était extrêmement subtil et. Très très bien joué. Le trophée de la reprise, c'était Hairspray le musical, que je n'ai malheureusement pas pu voir. Pareil, les critiques sont extraordinaires et apparemment le cast était magnifique. En tout cas, tous les castes étaient dans la salle quasiment, hein, de tous les spectacles. C'était vraiment impressionnant. Une belle ambiance. Il y avait vraiment une belle ambiance. C'était agréable de voir tous ces gens du spectacle dans un même lieu pour célébrer la comédie musicale. Trophée du public, alors je ne m'y attendais absolument pas pour le coup, pour les aventures de Tom Sawyer. Je pensais que ça allait être un truc beaucoup plus populaire, entre guillemets. Je pensais que ça allait être Grease qui allait décrocher le truc. Voilà, sur Grease. C'est pas WD Productions, Tom Sawyer ? Si. Mais moi, ça m'étonne pas des masses, en fait. Parce qu'ils ont... Ils sont suivis. Ouais, ils ont un vrai public qui est bien présent. Qui est, voilà, mais sachant qu'il fallait voter en ligne pour les spectateurs internautes, c'est... Ouais, je pensais honnêtement que ça allait être un spectacle... Par exemple, Grease, ou alors je pensais par exemple à Priscilla Folle du Désert aussi, qui aurait très bien pu être choisi, plébiscité par le public. Je suis pas sûre qu'il soit. Enfin, en fait, Priscilla Folle du Désert, je suis pas sûre que les gens connaissent autant. C'est bizarre, mais. Bah, parce que. Un truc tout bête, mais pour les affichages dans le métro et trucs comme ça, moi j'ai beaucoup plus vu du Tom Sawyer que du Priscilla, tu vois. Ah, moi non. Oh, j'ai vu tout. Peut-être que je prends pas les bonnes lignes de métro, hein, c'est possible. Non, mais on sait que la pub de la RATP c'est géographique, hein, donc selon ce que tu prends. Attends, je vais. Non, elle est en train de faire son trajet dominical dans sa tête. Alors attends, parce que moi je vois quoi sur le trajet? Ça fait Grease, Woodstock, Hairspray. J'ai pas vu d'affiche de Hairspray. Ah si. Si, moi j'en ai vu. Tu vas pas prendre les bonnes lignes du coup. Et bah voilà, tu vois. Bah voilà. Non, ouais, moi j'ai été plus. Mettez les pubs à la station de Paris Nord, s'il vous plaît, vous serez gentil, comme ça me ferait un truc sympa à regarder pendant que j'attends mon métro. Merci. Mettez des trains tout simplement à Paris Nord. Oulala. On va avoir des soucis. Non, ça dénonce. Ça dénonce rien du tout, on est en grève depuis des mois, je veux dire. Et c'est pas fini. La grève, le musical. Oh non. Oh, ça faisait longtemps. Trophée de la comédie musicale 2019. Ça aurait été dans la RATP, la SNCF. Peut-être. Il y a une comédie musicale sur les trains qui s'appelle In Transit, et qui est totalement a cappella. Wow. In Transit. Écoutez ça, c'est impressionnant. Est-ce que les représentations commencent à l'heure? Non, et les musiciens sont restés coincés dans le TGV, ils sont jamais arrivés. Évidemment. Oh, les blagues faciles! Ah là là là là là là, c'est un scandale! Bien, allez, bientôt notre meilleure sélection des blagues sur les guichets de la poste! Pas long, oula! Je m'étouffe! On a de la culture, on l'a pas! C'est ça! Voilà. Et donc, le dernier trophée dont on n'a pas encore parlé, le trophée d'honneur attribué à cette année à Michel Legrand! Voilà! Oui! Voilà, donc il n'était pas là pour le coup au trophée, mais enfin. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait dire justement à la personne qui a reçu, qu'il espérait que les gens ne pensaient pas qu'il était déjà mort s'il recevait un trophée d'honneur. Alors, c'est vrai que c'est le principe des prix d'honneur. Oui, hein, c'est ça. Bravo pour tout avant que tu meures. Mais, avec la petite question qui est pas mais non, là, clairement non, pas. Là, c'était... Non, c'était pas lui déjà. C'est ça. Non. C'est vrai que je me dis toujours ça. Ah non, crois. C'était Pierre Bellemare. Non, mais franchement, c'est vrai. Tu compares Michel Legrand à Pierre Bellemare. Mais non, ouais, s'il te plaît. Des personnalités qui meurent. Oh, ma fille. Non, je compare pas Michel Legrand. Tu me prends pour qui? Pour quel genre de fille est-ce que tu me prends? Quand même. Et donc, c'était une très bonne idée de donner ce trophée-là, surtout. Avec Podane, Ah oui, c'était une bonne occasion de lancer. Ils ont lancé la promo concrètement partir de là. Hein. C'est impressionnant quand même, par hasard, quelques jours près. Je trouve ça très futé. Voilà. Comme le bison. Il y a la cérémonie, le lendemain de la cérémonie, tu vas sur Facebook. Le théâtre Marigny lance Podane. Oh, c'est bien vu ça, c'est pas mal. Il y a pire comme lancement qu'un trophée d'honneur. Voilà. Moi, pour Podane, j'attends quand même la chanson du cake d'amour. Là. Ah oui. Voilà. Et le départ en hélicoptère de la fin. Puis si t'as la recette, par contre. Ouais, bah, évidemment. Alors, imagine, ils vont mettre un hélicoptère comme pour Miss Saigon, ce serait beau. Oh, bah alors. Bah alors qu'ils montent Miss Saigon, putain. Ça vaut bien le coup de dire elle a pas le budget. Il y a pas la place pour l'hélico. Allez les enfants. Faites un effort. Donc Jean-Luc Chopin, tu sais ce qu'il te reste à faire. Monte Miss Saigon s'il te plaît. Je sais qu'il y a encore dans les tiroirs la version française qui traîne. Donc s'il te plaît, monte ça. Merci, bisous. bisous. Jean-Luc Chopin. Voilà. Tu veux pas en rajouter une couche? Si tu trouves un hélico, t'en chopes plein. Ah putain, ouvre la fenêtre et saute. Non, je préfère sauter sans ouvrir la fenêtre. Voilà, c'était... Je pense que c'est sur cette dernière blague. Non. Ah, tu l'assumes, mon gars. Ah non, tu comprends. Est-ce que vous avez des petites choses à dire sur les trophées, sur autre chose? Un mot pour la fin, bulle. Quel relax. Choucroute, je sais pas. Non, je... C'était une belle cérémonie des trophées de la comédie musicale et vivement l'année prochaine. Oui. Qu'il y ait plein de spectacles qui puissent mériter d'être récompensés et que la cérémonie prenne de l'ampleur et que l'engouement pour le théâtre musical aussi. On a eu quand même une très très belle année cette année, hein, au niveau du théâtre musical. C'est pas mal. En tout cas, pas dégueu. Et l'année prochaine, la saison prochaine s'annonce pas dégueulasse. Non, pas mal. C'est vrai. Et aller voir Comédia. Voilà. Ça fait un petit peu promo, un petit peu forcé quand même. Non, non, on n'est pas ni sponsorisé, il n'y a pas de partenariat. Non, c'est juste un amour inconditionnel pour ce spectacle. Et pour se faire pardonner, au pire, on pourra peut-être rencontrer ou inviter des membres de l'équipe de Comédia pour en parler. Quoi. Pour se soulager un petit peu du poids de toute cette fascination. Exactement, ce serait horrible. Attends. Voilà. Imagine, ils écoutent ce podcast-là et après, ils sont là avec nous et... Au fait, vous avez dit ça? Ouais, ok, très bien. c'est gênant. On va commencer à prendre. Tu rigoles, mais petite anecdote de la cérémonie. À un moment, je discutais avec quelqu'un qui disait « Je suis trop content, Fabien Richard a eu, c'est tellement mérité parce qu'avec la prestation qu'il envoie, voilà. » Et je me retourne et en fait, il était en train de signer des autographes juste derrière, j'avais pas vu du tout. Voilà. Il a dit « Bah, merci. » Je sais pas s'il a entendu, mais le problème, c'est que je l'ai dit fort, donc je pense que oui. Oui, je pense que oui. Voilà. Ah oui, toi, tu... Et après, j'ai croisé son regard. Ça. Enfin, effectivement, du coup, vous avez compris, on essaiera pour les prochains podcasts. Voilà, ça fait déjà le troisième. Quatrième, il est temps un petit peu d'innover. Et on essaiera donc d'inviter des personnalités du monde de la comédie musicale. Comme on vous avait dit, au premier épisode, vous avez vu quand même, on met un petit peu de temps, hein, mais voilà, on tease un petit peu la chose, comme ça arrive. C'est rien du tout, on prépare de ouf pour pas arriver comme des baltringues avec quelqu'un dire vas-y, c'est ton tour, nous on va, on va te laisser un petit thé avec des petits gâteaux, et puis tu te démerdes. Ouais. Non, les gâteaux, c'est une avant-après pour le montage. C'est vrai. ASMR, le musique. Non, ça aussi, on l'a déjà fait là-bas. Il y a pas contre-nouvelle au niveau des blagues. Ah, c'est triste. J'aime bien tout le temps, ouais. Non, mais l'année prochaine, après les Tony et avant les trophées, on invite Patrick Niedo. Ok. Je suis sûr qu'il sera d'accord. Ouais, il y a moyen. Le pari est lancé, l'invitation est lancée, en tout cas, on verra bien ce qui se passe. Voilà. Il va nous faire une conférence. Voilà. Une conférence de Patrick. Si ça se trouve, il voudra venir parce qu'il nous écoute pas. Voilà. C'est pas impossible non plus. Voilà. Ce qui est même plus probable. Voilà, c'est plus probable qu'il nous écoute et qu'il ait envie de venir. Voilà, voilà, c'est. Jamais. Non, voilà. Voilà, donc c'est ainsi que se termine ce podcast qui aura duré comme les autres podcasts à peu près une heure. Voilà. On espère que ça vous a plu. N'hésitez toujours pas à nous dire dans les commentaires, à nous envoyer des mails, à nous envoyer des messages privés sur Facebook ou sur Twitter ou n'importe où vous voulez. On n'a pas Twitter. Non, on n'a toujours pas Twitter. Si, on a Twitter, je suis bête, moi. Mais si, on a Twitter. Tu t'en occupes. Comédie Musicast sur Twitter. N'hésitez pas à nous héler dans la rue. Vous ne connaissez pas nos visages. C'est peut-être pas plus mal. Parce que... Un jour, ils vont les connaître, tu sais, ça. Tu la sens venir, la connerie, quand même. Oui, mais ils comprendront pourquoi on fait de l'audio. Hein. Mais on t'emmerde. Et donc on espère que vous avez passé une superbe heure dans le métro avec nous, ou dans les transports, ou dans l'avion, ou chez vous. Dans la vie tout simplement, pour vous écouter que dans les aux toilettes, dans la salle de bain, dans votre lit. Oui, oui. C'est vous qui voyez. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Enfin bref, c'est avec ce dernier petit camoulox que nous vous laissons. Nous vous souhaitons une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Salut, ciao. Gros bisous. Salut. Il y a aussi, je bug totalement, j'aurais dû le noter avant. Oh bah non, on part en roue libre. Comme à mon habitude, c'est magnifique. Pause. Ah non, je laisse tourner, tu te démerdes. Hein, mais non, mais pause pour qu'on cherche sur internet. Oui, bah on va chercher, t'inquiète pas, mais je laisse tourner. Oui, oui. Bah après, c'est pour le montage. Non, ça c'est ton travail. Ça c'est tu te démerdes, moi c'est ta merde. Petite interview musicale. Voilà. Pardon. Duo pour voix et clavier d'ordinateur. Qui sommes-nous? On n'en est pas qui sommes-nous? Ah voilà. Qui si, si. Nous.